avait vite appris à le connaître. S'il n'était pas mort et qu'il était que de rival, j'aurais envie de le défendre par simple solidarité masculine. Mais si ce n'était que le flou, le foucou et le meuf que je propose à dire, et si sans moustache et lustré, sans empire et passé, je ne veux plaisir.